avez-vous risqué votre vie pour moi? Je n'ai pas risqué ma vie. Ils auraient pu vous tuer? Non, je ne suis pas si facile à tuer. Oh. Savez-vous qui je suis? Qui êtes-vous? Guenièvre, dame suzeraine de Léonès. Eh bien? Eh bien quoi? Vous n'êtes pas content d'avoir sauvé la vie d'une dame? Ni plus ni moins que si vous étiez une servante. Elle ne vous récompenserait pas comme je peux le faire? Si elle était aussi belle que vous, je serais suffisamment récompensée. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes irrespectueux. Là, j'étais irrespectueux. Qui vous autorise? Comment osez-vous me traiter de la sorte? Sans doute ignorez-vous ce que vous faites. Vous m'avez rendu un grand service aujourd'hui, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Quel est le chemin? Je ne sais pas. Jamais été dans cette forêt. Alors, comment savez-vous quelle est la bonne direction? Simple déduction. Déduction? Ces oiseaux de mauvaise augure. À la cime des arbres. Ils se nourrissent de petits animaux écrasés par les charrettes sur la route. Elle n'est pas bien loin. Au sujet de cette récompense. Mon intendant vous paiera quand nous aurons rejoint mon escorte. Je ne veux pas d'argent. Je crois qu'il faut que vous sachiez que je me rends à mon mariage. Si vous allez vous marier, c'est que vous ne l'êtes pas encore. Et si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes libre. J'ai engagé ma parole. Je n'ai que faire de votre parole. C'est vous que je désire. Je ne me donne pas à qui se contente de me désirer. Pourquoi? Si j'ai envie de vous, et vous de moi? J'imagine que cette effronterie impressionne les filles de salle. Je sais très bien quand une femme a envie de moi. Je le lis au fond de ses yeux. Oh, ce n'est nullement le cas. Vous avez peur? Je n'ai rien à cacher. Alors, regardez-moi. Il y a quelque honneur en vous. Promettez-moi de ne plus refaire ça. L'honneur, je ne sais pas ce que c'est. Mais je vous promets que je ne vous embrasserai plus que lorsque vous me le demanderez. Ce que je ne ferai jamais. Quand vous mariez-vous? Le jour de la Saint-Jean. Avant que pointe l'aube de la Saint-Jean, vous me demanderez de vous embrasser. Non content de m'insulter, maintenant vous m'abandonnez? La route est là. C'est votre vaillante escorte, sans doute. Avais-tu déjà couru la bouline? Non, jamais. Alors comment as-tu réussi? Il est assez aisé d'esquiver le danger, il suffit de le voir à l'avance. D'autres que toi y trouvent une certaine difficulté. Tu es le premier à réussir. C'est peut-être la peur qui leur fait faire un pas en arrière quand il faudra avancer. Et toi, tu n'as pas eu peur? Non, je ne vois pas ce que je redouterais, puisque je n'ai rien à perdre. Ni foyer, ni famille? Non. Et tu as une profession? C'est mon épée qui me nourrit. Tu es payé pour te battre? Oui. Il n'y avait pas d'argent en jeu aujourd'hui. Là, j'étais sûr de réussir. Messire Lancelot, tu es quelqu'un de peu commun. Je crois n'avoir encore jamais rencontré un homme qui conjugue à ce point le courage, l'adresse, la grâce et la bêtise. Reste à Camelot. Je t'invite. Oh, merci. Mais je vais bientôt reprendre la route. Oh, quelle route? Celle sur laquelle le hasard guidera mes pas. Je ne sais pas encore. Tu penses donc que ta bonne fortune dépend du hasard? C'est ça. Au bout de ce couloir, tu trouveras deux portes, l'une à gauche, l'autre à droite. Comment choisiras-tu laquelle emprunter? Gauche ou droite, il n'y a pas de différence. C'est une question de hasard. J'espère pour toi que le hasard te conduira à gauche, parce que c'est la seule sortie. Lancelot, il me vient une pensée. L'homme qui n'a peur de rien, n'ayant rien à perdre, est aussi celui qui n'aime rien. Si tu n'aimes pas, quel bonheur y a-t-il dans ta vie? Et je me trompe peut-être. Où avez-vous appris à faire ça? Je passe au plus clair de mon temps dans la forêt. Vous n'avez donc pas de foyer? Non, je n'ai pas de foyer. Depuis bien longtemps. Ça ne doit pas être facile. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Je suis mon propre maître. Je vais où je veux. Je n'ai rien à perdre. Pourquoi construire une maison que des guerriers brûleront? C'est ce qui s'est passé? Que Dieu vous garde d'un pareil désastre. Quel âge aviez-vous? C'était il y a longtemps. Dieu nous épargne à tous pareil désastre. Il ne m'a pas épargné. Oh, mais si. À quoi bon? Il a fait de vous ce que vous êtes. Un homme valeureux qui n'a peur de rien, ni de personne. C'est un don de Dieu qu'il faut employer pour une bonne cause. Vous auriez pu mourir, vous aussi, dans cette église. Oui, vous n'imaginez pas combien je l'aurais souhaité. Mais vous n'êtes pas mort, vous êtes là, vous êtes sans vie. Dites-moi ce que je dois faire et je le ferai. C'est votre vie. Je vous la donne. Vous oubliez que je vais me marier. Si vous étiez libre de faire ce qu'il vous plaît, épouseriez-vous Arthur? Je suis libre. Aussi libre que vous. Prouvez-le. Comment? Oubliez qui vous êtes. Le monde n'existe plus. Les autres n'existent plus. Il n'y a que vous. Et moi. Faites ce que vous voulez. Ici. Maintenant. Elle Monseigneur, puis-je parler? J'ai une dette envers lui, plus que quiconque ici. Et je sais qu'il mérite tout l'honneur qui lui est fait. Mais je crois que la place de Lancelot n'est pas ici. Un homme comme lui est fait pour vivre seul. Et c'est là sa force, justement cette solitude et cette liberté. Si vous souhaitez l'honorer comme je le souhaite aussi, du plus profond de mon cœur, alors honorez-le tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit. Laissez-le partir. Seul, libre et fort de notre amour. Eh bien, Lancelot. Dame Guenièvre a raison, elle me comprend. Mais parmi vous, j'ai découvert un bien qui m'est désormais plus précieux que la liberté. Je ne sais plus quelle est la vie que je veux mener, mais je sais que mon cœur se briserait si je devais vous quitter. Oh, bravo! Tu acceptes d'être des nôtres? Oui, j'accepte. Oh, sois le bienvenu. Et ce n'est qu'un début. Va passer cette nuit en prière, car demain, dès que se lèvera le soleil, tu seras appelé à renaître. C'est une nouvelle vie qui t'attend. Pourquoi? Vous le savez bien. Je vous supplie de partir. Je veux être auprès de vous. Il ne faut pas dire ça, Lancelot. Ne dites pas ça. Alors que dois-je dire? Rien. Je veux bien quitter Camelot sur le champ. Si vous venez avec moi. Non. Alors dites-moi que vous ne m'aimez pas. Je ne vous aime pas. Je suis venu vous dire adieu et vous souhaiter bonne chance. La nuit a été longue. Vous n'avez pas dormi. Où irez-vous? Je ne sais pas. Au hasard du chemin. Quand pouvons-nous espérer vous revoir? Je pense que je ne reviendrai pas. Jamais. Jamais. Je sais enfin ce que je dois faire. Jusqu'à maintenant, je n'avais foi en rien. Mais désormais, j'ai foi en Camelot. Et il vaut mieux que je m'en aille pour le servir. Dites au roi qu'il a su tirer le meilleur de moi-même et que je n'oublierai jamais. Et moi, que dois-je me dire? Qu'il y eut un homme en ce monde qui vous aimait trop pour essayer de vous changer. Je m'en souviendrai. Je me suis abritée sous un arbre avec lui. Un jour de pluie. Lancelot. Ma reine. Je vous dois un baiser. Je vous le demande. Je vous demande de ne pas me mentir, même si vous craignez de me blesser. Vous êtes-vous donné à lui? Non, monseigneur. L'aimez-vous? Oui. En quoi vous ai-je déçu? Vous ne m'avez jamais déçu, monseigneur. J'ai vu votre visage quand il vous embrassait. L'amour a de nombreux visages. Si mon regard sur vous est différent, mon amour est tout aussi fort. Lorsqu'une femme aime deux hommes, elle doit faire un choix et prendre une décision. C'est vous que j'ai choisi. Votre volonté m'a choisi, mais votre cœur est à lui. Alors vous avez la meilleure part. Ma volonté est plus forte que mon cœur. Croyez-vous que j'attache tant de prix à mes sentiments? Ces vanités qui ne durent qu'un moment et sont appelées à passer alors que ma volonté corrige mes excès et dicte ma conduite dans la vie. C'est mon cas également. Et pourtant, il suffit que je vous regarde. Et aussitôt, toutes mes belles résolutions s'évanouissent. C'était votre amour que je voulais. Vous l'avez? Vraiment. Vraiment. Alors regardez-moi comme vous l'avez regardé lui. Mais... je n'ai donné qu'un bref instant à Lancelot. Ah oui, vous êtes innocente. Mais vous l'aimez! Épargnez-moi toute cette innocence ou je perdrai la tête. Je ferai ce que vous voulez, monseigneur. Je ne sais plus que penser, ni quel sentiment éprouver. Je suis égaré, je ne vois plus mon chemin. Oh. Seuls les idiots rêvent de posséder la seule chose qui leur échappe. Pardonnez-moi. Qu'y a-t-il à pardonner? J'ai rêvé que je rêvais de vous. C'était un beau rêve. Tant qu'il a duré. L'avenir de Camelot. Veille sur elle à ma place. Veille sur elle. Maintenant, je le sens, mon amour. Le soleil. Il est dans tes yeux.